Vous vous sentez merveilleusement bien, calme, détendu et relaxé. La mélodie que vous entendrez courra à l'intérieur de votre corps. Toutes ces notes sont là, comme des milliers d'ouvriers, placés pour retirer la fatigue et faire disparaître les problèmes et vous donner une sensation de bien-être. Thank you.

Thank you.